Stephen King aime les aliens, Stephen King aime le caca, le caca, le caca. Stephen King a écrit Dreamcatcher et Lawrence Kasdan l'a adapté. Bonjour à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis toujours avec Chris. Salut. Ça va? Je suis consterné. Pour notre 10e épisode, en effet, nous allons parler de Dreamcatcher, l'un des romans les plus classes et les plus élégants de Stephen King. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Ah oui, ça qu'on y aille tout de suite, oui, quoi. faut y aller, comme on dit. Ah, quand il y a besoin. Alors, un avertissement, si vous n'avez pas lu le livre et pas vu le film, et que vous ne voulez pas de spoiler, bah... allez-y avant, vous allez avoir une drôle de surprise, et revenez nous voir ensuite. C'est parti. Donc, Dreamcatcher, on va commencer par le résumé, accrochez-vous, ça va être compliqué. Accrochez-vous à vos slips. Dreamcatcher nous raconte l'histoire de quatre amis dépressifs, Pete, Henry, Jonesy et Beaver, dont l'un se fait renverser par une voiture, Jonesy. Ils se retrouvent comme chaque année pour une semaine de chasse entre mecs dans une maison dans les bois du Maine, et ils semblent posséder des pouvoirs psychiques étranges, ils peuvent retrouver des objets perdus, lire un peu dans l'esprit des gens, et parfois communiquer ensemble par télépathie, et ça semble remonter à leur enfance, ce qui nous est dit à travers une série de flashbacks, quand ils étaient amis avec Duditz, un enfant handicapé mental, mais visiblement doté de pouvoirs magiques, et qu'ils considèrent comme leur Dreamcatcher. Ça, c'était la partie à peu près normale jusque-là. Ensemble avec Duditz, ils avaient entre autres sauvé une jeune fille, mais ils avaient tous oublié qu'ils avaient fait ça, et ils commencent à s'en rappeler cette année précisément. Mais tandis que Pete et Henry sont partis faire des courses, Jonesy ramène un homme malade qui était perdu dans les bois, et qui après avoir beaucoup pété et roté, meurt quand un alien s'échappe de son corps en lui explosant le cul. De leur côté, Henry et Pete ont un accident et trouvent une femme qui, elle aussi, est malade au bord de la route. Des hélicoptères de l'armée signalent que la zone est en quarantaine. Beaver essaie sans succès de bloquer l'alien caca dans les toilettes et meurt. L'alien caca devient un alien cliché, pénètre dans l'esprit de Jonesy dans son palais mental, mais pas complètement parce que Jonesy a un bunker dans son palais mental dans lequel il peut se réfugier avec ses souvenirs essentiels. Vous vous accrochez jusque-là ? Jonesy E.T. part accomplir sa mission, parce qu'il est possédé, il tue Pete au passage quand il le croise, Henry est fait prisonnier par des militaires dirigés par le colonel Kurtz qui est devenu fou et qui veut exterminer la population pour éviter toute contamination, parce que Alien Go Home, nos culs sont américains. Henry réussit à convaincre Owen Underhill, le bras droit de Kurtz, de se rebeller et de l'aider à s'échapper pour qu'il puisse récupérer Duditz et arrêter Jonesy E.T. qui lui veut mettre des spores aliens dans l'eau pour contaminer le monde entier. Alors après, il y a plein de rebondissements, hein, je vais pas tout vous détailler, c'est déjà beaucoup trop long. Ça implique entre autres un appel entre un téléphone mental et un pistolet ayant appartenu à John Wayne. Ils récupèrent Duditz qui est littéralement mourant, c'est une affaire d'heures, et vont combattre Monsieur Grill extraterrestre dans un final que je ne vais pas décrire parce que honnêtement, je pense pas que ce soit possible de décrire ça. Voilà. Donc si vous avez compris quelque chose à ce résumé, félicitations, vous êtes probablement Stephen King en fait. Est-ce que t'as de l'uprane? Donc, Dreamcatcher... Avant d'en parler, il va falloir revenir un peu sur la vie privée de King lui-même. Parce que le 19 juin 1999, Stephen King est renversé par une camionnette alors qu'il se promenait pas loin de chez lui, et il est très gravement blessé, 9 fractures à la jambe droite, une au col du fémur, poumons perforés, des côtes cassées et colonne vertébrale atteinte, dit-il, en plusieurs endroits. Donc il subira plusieurs interventions chirurgicales et devra pendant plusieurs mois subir aussi des séances de rééducation très douloureuses malgré des antidouleurs puissants. Avant son accident, il venait de publier La Petite Vie qui aimait Tom Gordon, et il avait fini le premier jet de Roadmaster, mais qu'il ne terminera que plus tard, puisqu'il est sorti après Dreamcatcher. Et, de manière plutôt amusante, on dirait vraiment que c'est sorti d'un roman de Stephen King, enfin amusante entre guillemets, Brian Smith, qui était le conducteur de la camionnette, est condamné pour conduite dangereuse, mais le 21 septembre 2000, donc à peu près un an après l'accident, il est retrouvé mort d'une overdose aux antidouleurs, et il avait visiblement des gros problèmes de santé et de dos, et son deuxième prénom était Edwin, ce qui est aussi celui de Stephen King, et le 21 septembre, c'est la date d'anniversaire de King. Donc j'aime beaucoup cette espèce de finale. Joyeux anniversaire. C'est lui qui l'a tué en secret. Des complots faciles. Le premier livre que publie King après l'accident, c'est Écriture, qui était déjà bien entamé à l'époque, mais c'est donc un essai sur son métier et pas un roman. Le premier roman qu'il va vraiment commencer suite à l'accident, et le premier publié, le 19 mars 2001 en anglais, c'est Dreamcatcher, qu'il a écrit du 16 novembre 1999 au 29 mai 2000. Il a dû écrire le livre à la main parce que là où il était installé chez lui, il pouvait pas installer un ordinateur et c'était plus douloureux pour lui d'utiliser un traitement de texte que d'écrire à la main, visiblement. Et ses séances d'écriture, évidemment, le faisaient souffrir parce qu'il avait beaucoup de mal à rester assis longtemps, encore une fois, malgré les antidouleurs. Donc c'est un livre qui a été écrit dans la souffrance et qui a été assez salvateur pour lui, et c'est quelque chose qui se sent à la lecture, ça on y reviendra. D'ailleurs, l'accident lui-même est très présent dans le livre, bah déjà à travers le personnage de Jonesy, et même Pete et Henry vont eux aussi avoir un nouvel accident de voiture. Dans ce livre, il voulait traiter d'un sujet tabou, c'est selon lui le rôle de l'horreur, et comme pour lui, tous les anciens sujets traités par l'horreur étaient devenus plutôt ordinaires, entre guillemets, notamment tout ce qui allait concerner la chambre, le sexe, la relation au corps, il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait y avoir encore de tabou, et il s'est dit qu'effectivement, ce qui se passe dans la salle de bain et dans les toilettes, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup en société. Mais on n'a aucun doute pourquoi on n'en parle pas. Oui, et selon lui, c'est quelque part où on apprend beaucoup de potentiellement mauvaises nouvelles concernant notre santé, que ce soit des ganglions, que ce soit du sang dans les selles, enfin ce genre de choses. Oui, donc ça l'intéressait de traiter ce thème, parce qu'il n'avait jamais lu quoi que ce soit dans son souvenir qu'il explore. Il faut y a peut-être une raison. Ouais, voilà, on va y revenir, mais ça peut se comprendre. Au départ, il pensait aussi faire un livre assez sobre qui se passerait entièrement dans un décor réduit, celui de la cabane. Bon, bah ça, c'est un peu parti. Tu peux partir. Voilà, Et je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que l'idée du palais mental est inspirée un peu de Hannibal de Thomas Harris, qui est sorti 2 ans plus tôt environ, et dans lequel on passe beaucoup de temps dans le palais mental d'Hannibal Lecter. Mais du coup, est-ce que le palais mental de la série Sherlock est repompé dans Dreamcatcher ? Ah, ça, il faudrait demander à Gatiss et Moffat, je pense que c'est une question qu'on leur a jamais posée, pour le coup. Ils seront contents de répondre. Donc, au départ, il voulait intituler le livre « Cancer », parce qu'il y a toute cette métaphore de l'alien comme étant effectivement un cancer, mais Tabitha King n'aimait pas du tout ce titre, elle a dit que c'était malsain, que jamais un livre qui portait ce titre ne se vendrait, donc il l'a changé pour Dreamcatcher. Et je pense qu'elle a eu raison, oui, sur ce coup-là, encore une fois. Bonne idée, encore une fois. Ouais. Même si, dans la mesure où c'est le livre qui est sorti juste après un très grave accident et que l'auteur soit passé près de la mort, je pense que de toute façon, ça aurait été un argument de vente en soi, assez glauque, mais quand même. D'après Publisher Weekly, le livre est à la 4e place des meilleures ventes de 2001 en fiction, aux États-Unis, et il semble plutôt apprécié avec 3,62 étoiles sur 5 sur Goodreads, même si ça reste pas mal en dessous de la moyenne de hauteur qui est à 4,03 en moyenne pour toute sa bibliographie. Et dans une interview à Rolling Stones en 2014, King dit qu'il n'aime pas beaucoup Dreamcatcher. Il avait arrêté les antidouleurs à cette époque, donc forcément. Il avoue qu'il était shooté au médoc en l'écrivant et que cela se ressent beaucoup dans l'écriture, et c'est quelque chose qu'il dit aussi à propos des Tommyknockers, donc son autre livre d'invasion extraterrestre qu'il a écrit à l'époque où il était très drogué, alors pour le coup aux drogues, hein, pas aux antidouleurs à l'époque. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à notre avis. Et donc, Chris, qu'as-tu pensé de Dreamcatcher ? Dreamcatcher, alors en quelques mots, je dirais longuet, je dirais brouillon, je dirais très con. Et globalement, c'est ça. L'intrigue est ce qu'elle est en elle-même. Les personnages sont d'une stupidité affligeante. Oui, ils sont très très mal caractérisés. C'est rare chez King, mais à l'exception de Beaver, je trouve. Qui est sympathique, mais même lui est con comme une limandre. Ouais. La manière dont il meurt, c'est totalement stupide. Bon, on va en parler rapidement. Du coup, le personnage a un tic. Il aime beaucoup mâchouiller des cure-dents. Voilà, c'est un tic nerveux comme tout le monde peut en avoir, sauf qu'en général, quand il t'arrive quelque chose de dangereux, bon, peut-être que ton tic, tu peux essayer de le mettre de côté, c'est-à-dire, si franchir le pas et obéir à ton tic te tue, en général, tu vas pas le faire. Ouais. Lui, bon, il le fait, et du coup, il meurt. Alors, la situation, c'est quand même qu'il est assis sur un siège de toilette avec un alien caca qui cherche à sortir en brisant le siège, et lui va se pencher, laisser l'alien sortir, et donc le tuer. Voilà. Mais tous les personnages prennent des décisions stupides. Bah, Pete aussi, qui donc est alcoolique et qui à un moment... Enfin, c'est aussi à cause de l'alcool finalement qu'il va devoir affronter un fouille-merde, parce que les aliens sont appelés comme ça, et qu'il va mourir. Stephen King a déjà beaucoup mieux traité de l'alcoolisme, ici ça arrive un peu soudainement en plus. C'est tout d'un coup il était normal avant, et tout d'un coup il est alcoolique au dernier degré, et il a besoin de sa bière, même s'il y a des aliens tueurs partout. Ça, enfin, lui, il est encore, il le sait pas qu'il y a des aliens tueurs partout. Ouais, il le sait pas, enfin il est près d'une femme qui est quand même même visiblement plus très vivante. Ça, il sort d'un accident, il est isolé en pleine forêt, en pleine tempête de neige. Bon, tu penses peut-être à autre chose à ce moment-là. Quoi. Ouais, voilà. Après, c'est le même réaction pour les personnages. Il y a quand même une foultitude d'animaux, tous les animaux de la forêt, simplement, qui fuient quelque chose. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, si on a bien compris un truc, c'est que quand tu vois des animaux fuir, vaut mieux aller dans la même direction qu'eux, quoi. Faut pas rester comme un con à l'endroit où t'es. Techniquement, on leur a dit que la zone est en quarantaine à ce stade-là, donc c'est pour ça aussi qu'ils fuient pas. Ah non, techniquement, depuis quand faut écouter l'armée? Oui, je sais bien. Bon, ça c'était le petit tag personnel anti-militarisme. Ouais, c'est pas. Bon, surtout l'armée, vu Parking, c'est clair que c'est loin d'être brillant dans ce livre-là. L'armée en général. Hein. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais. On va revenir aussi au fait que c'est ultra longuet comme bouquin. Ouais, ça met très longtemps à se lancer. Les personnages sont introduits sur les 50 premières pages. L'action commence réellement à partir de la 150e environ. Ouais, donc quand ils trouvent le mec qui pète et qui est un alien qui va lui sortir du cul. Voilà, et encore ça, on se dit c'est étrange, mais ça n'a pas encore franchi le cap de « Ah, il y a un mort ». Le « Ah, il y a un mort », ça arrive après 200 pages, quoi. Donc ouais, c'est ultra lent, et pourtant, à partir de ce moment-là, ça s'enchaîne après ça avec un rythme frénétique, et on arrive du coup au deuxième mot que j'ai employé tout à l'heure, brouillon. Ça devient ultra brouillon. En fait, il y a plein d'idées qui auraient pu individuellement potentiellement donner des romans intéressants, mais qui toutes mélangées se gênent les unes les autres et créent une espèce de camoulox en fait. C'est ça. C'est parce que il y a des trucs qui rappellent pas mal d'autres romans de King. Les enfants qui ont oublié leurs exploits de jeunesse, c'est clairement comme dans ça. Il y a des trucs qui sont repris à des films, le look des aliens, le méchant militaire, la façon dont ils sortent des anus, c'est une parodie d'Alien, j'ai l'impression. Et puis Dodit, il a le Shining. Ouais, Dodit, il a le Shining. Il y a cette idée du palais mental que moi je trouve plutôt bonne, qui aurait pu donner un truc intéressant, le traitement du thème de la douleur, de la dépression, enfin. C'est juste que tous ces éléments ensemble, sont, pour ainsi dire, tous mal amenés de manière beaucoup trop radicale, sans être installés au préavant. Et ça colle pas en fait, parce que tu passes du coup d'un personnage à l'autre qui très souvent a une aptitude différente, qui te plonge dans une ambiance à la limite aussi différente. C'est très particulier en fait comme style d'écriture. C'est en fait, il y a des idées qui font pure série B qui auraient pu passer dans un truc limite pulps, à commencer justement par les aliens, la manière dont ils tuent leurs victimes, c'est un truc pulps, tu t'écris pas un roman sérieux avec ça. Donc, et à côté de ça, t'as tout ce qui entoure d'audits, tout ce qui entoure le concept de Dreamcatcher et de palais mental, qui essaie d'amener quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus poétique presque, mais les deux se mélangent très très mal. C'est ça. Il y a énormément de personnages, on passe d'un chapitre à l'autre à chaque personnage, ça aussi c'est très brouillon, et surtout on passe de passages qui se passent au moment de l'histoire à des passages entièrement flashback qui peuvent s'étirer sur des dizaines et des dizaines de pages, sans que ça soit amené de manière agréable, quoi. Tu vas lire un passage qui se passe au moment T de l'intrigue, et pouf, flashback. Oui, il est assez mal structuré. Vraiment, c'est très perturbant comme lecture. Oui, encore une fois, ça se sent qu'il était sous calmant, quoi, qu'il était pas net au moment de l'écriture. Oui, qu'il passait d'une idée à l'autre sans forcément de logique, mais ce qui est étonnant, c'est que ça n'avait pas été repris, pas à la relecture pour lui, mais quand ses éditeurs ont relu ça, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit « bon, va falloir un peu mieux structurer ça ». Ou alors ça veut dire que c'était encore pire au départ. C'est peut-être ça. Mais tu dis que c'est lent, que c'est longué, mais en même temps t'imagines s'il n'y avait pas ce côté longué, vu toutes les idées qui sont amenées, quel bordel ce serait, on ne comprendrait plus rien. Ce serait un problème sur lequel on reviendra au sujet du film d'ailleurs. Le livre aurait tenu du coup sur 400 pages, et oui, on aurait rien compris parce que tout aurait déferlé. Parce qu'il faut préciser que c'est quand même un gros pavé. Ouais, c'est plus de 800 pages, c'est plus longs King. C'est même pas loin de 900. Ouais. C'est vraiment un gros gros bébé. Hein. Après, c'est clairement un livre qui a été très important pour King, et au niveau de la présence de la douleur, les seuls autres livres où c'est aussi présent, c'est Du Maquis et La Tour Sombre, les derniers tomes. Donc je comprends que ce soit important pour lui, mais c'est de toutes les fois où il a traité ce thème, c'est aussi la fois où il le traite le moins bien. Peut-être encore une fois parce que c'était encore une expérience trop proche pour lui, pour le coup. C'est ça, on en a parlé pour préparer cette émission, donc on en parlait en off. Je t'avais dit que les passages où Genesee est possédé, qu'il soit possédé par Mr. Grey, il y a toute une série de passages où il est à l'hôpital, donc juste après son accident. La lecture, c'est chiant, c'est indigeste à lire. Mais tu comprends pourquoi King a fait ça, pourquoi il l'a écrit. Tu comprends cette envie qu'il avait de tourner la page sur son propre accident. Mais c'est mieux fait dans Du Maquis. Alors moi, un des trucs qui me pose un peu problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à croire à l'amitié entre les quatre, parce qu'il y a très très peu de scènes où on les voit ensemble, tous les quatre. Il y a une scène vers le début du livre, quand ils sont à la cabane, mais après ils sont tout le temps séparés, et il y en a juste deux qui vont se retrouver à la toute fin, mais vraiment sur les dernières pages. Donc je crois jamais à leur relation de potes, en fait. Tu les vois que dans les flashbacks quand ils sont enfants, mais c'est tout, ouais. Tu les vois jamais en tant qu'adulte. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, t'as l'impression qu'ils ne se voient qu'une fois par an, c'est pour ce moment de chasse, quoi. Ouais, et puis comme il n'y a même pas vraiment une longue description de ce moment de chasse, alors ça aurait fait 50 pages de plus, on est d'accord, mais ça aurait permis d'installer une vraie relation entre eux, de montrer qu'ils tiennent les uns aux autres, tandis que là on a l'impression que bah, y a deux morts dans leur groupe à la fin et qu'ils en ont rien à péter. Oui, c'est ça. C'est peut-être mieux installé dans le film, parce que dans le film t'as tout le début du film qui se passe, ils sont en train de dîner dans la cabane. Ouais, elle est quand même très courte la scène. Hein. Oui, mais au moins qui est absent du roman, et donc... Ça met un passage d'amitié qui n'est pas présent dans le roman, ouais. Au moins. Du côté des militaires, bah, le colonel Kurtz, bah, en fait, c'est plus une sorte d'accumulation de clichés qu'un personnage à proprement parler. C'est que des points négatifs, et finalement, t'arrives pas à croire que c'est un vrai être humain. Mmh. Oui, c'est un méchant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouh, je suis le méchant. Qui symbolise tout ce que King n'aime pas, donc c'est le gros militaire républicain ultra bourrin. Fier d'être américain. Avec des sourcils pas possibles. Dans le film, avec des sourcils pas possibles. Ah, dans le livre aussi, on nous décrit qu'il a une belle paire de sourcils. Ah oui, je me rappelais plus de ça, tiens. Mais après, le truc, c'est que c'est paradoxal, parce qu'en même temps, il a plus ou moins raison d'être super rigoureux, parce que si un seul infecté s'échappe, effectivement, l'humanité est condamnée. Donc c'est un peu paradoxal, son attitude. Enfin, ça, le point de vue qu'on a sur le personnage est un peu paradoxal. Oui, parce que pour le coup, il agit de manière plutôt... peut-être pas altruiste, mais... plutôt de manière sécuritaire, envers la vie de l'humanité, quoi. Ouais, il agit de manière relativement rationnelle, c'est-à-dire, lui, il est obligé d'éliminer une partie de la population, parce que s'il y a des infectés, tout le monde va y passer, donc il y a une certaine mesure de sécurité dans son comportement. Donc si c'est essayer de faire placer un message sur l'armée, sur la gestion des migrants, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, finalement, il est très ambigu, comme ouais. Message. Donc le but premier de sa présence est logique, c'est-à-dire empêcher l'infection. Mais c'est juste que King nous fout plein de passages où on nous montre comme un personnage cruel et totalement stupide. Oui. Tout le passage où il tire dans le pied d'un autre personnage parce qu'il a fauté. Bon, d'accord. Cette manie d'empêcher tout le monde de l'appeler... Chef. Chef, et il faut l'appeler patron. Ouais. Oui, ça, on voit pas bien ce que ça change. Mais... Oui, que ça change, quoi, en plus. C'est très bizarre, quoi. À côté de ça, il y a Dodis, bah, qui est... un des personnages handicapés de King les plus ratés, parce qu'en fait on sait jamais tellement quel est son handicap, alors ce qui peut être cohérent vis-à-vis du fait qu'on le voit toujours au travers du regard de quatre préados, donc qui en ont probablement pas grand chose à faire de savoir exactement ce qu'il a, oui. Mais ça fait très cliché l'handicapé, en fait. Après, je trouve qu'il y a des bonnes idées, qu'il y a des trucs qui auraient vraiment pu bien marcher. C'est-à-dire, le palais mental, je regrette limite que King ne l'ait pas réutilisé dans un autre livre de manière importante, parce que je trouve que c'est une super idée. Et avec cette idée de bunker et de guerre dans le palais mental, il aurait pu obtenir des choses assez intéressantes en creusant un peu son concept de Shining aussi, peut-être. Oui, plutôt que de nous faire une séquence où via le palais mental, on appelle avec un pistolet. Ouais, ça pareil, d'où ça sort, hein. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi elle ne demande pas à moi. Mais le palais mental est en soi une bonne idée, c'est juste que dans le roman, c'est mis à part quelques séquences, c'est quand même globalement très mal amené, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est un livre qui est clairement pas bon, mais je trouve qu'il est tellement improbable et il est tellement riche en idées what the fuck que ça me divertit de le lire. J'entre jamais vraiment dedans. C'est je crois pas à ce qui m'est raconté, mais je trouve ça plutôt fun, un peu comme je trouverais plutôt fun une série B débile à la télé. Donc bon, moi, sur le roman, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Oui, pareil. Voilà, c'est improbable. Pour le meilleur et pour le pire, c'est improbable. Souvent pour le pire, quand même. Oui, globalement, oui. Je pense qu'on peut passer au film. Oui, on a d'autres arguments voilà. Tout aussi négatifs pour le film. C'est parti. Que l'attrape-rêve est une toile au pouvoir magique qui tient nos cauchemars à distance. À notre attrape-rêve. Et nous protège du mal. Jonesy, fais attention. Que je fasse attention à quoi? Mais cette fois, une chose venue d'ailleurs a envahi notre monde. Je pense qu'il s'agit d'un atterrissage forcé. Cette fois, j'ai mis toute la zone en quarantaine. Rien n'en sortira vivant. Le mal est passé au travers. T'avais déjà entendu un signal comme celui-là? Ça doit être la tempête. Tu crois que c'est la tempête? Si tu le dis. Nom de Dieu. J'avais encore jamais vu un truc pareil. Où est-ce qu'ils vont tous? C'est pas l'endroit où ils vont qui m'inquiète, c'est ce à quoi ils veulent échapper. Commandant? Je le vois. La vache, vous avez vu la taille de ce truc? Ça projette ce qu'ils pensent que nous voulons voir. Qu'est-ce que vous voulez? Des choses que tu regretteras d'avoir vues. Les droits du livre sont achetés par Castle Rock Entertainment en septembre 2000, donc avant que le livre ne sorte, puisqu'il n'est sorti qu'en 2001. Castle Rock Entertainment, pour la petite histoire, c'est une succursale de la Warner, qui a été fondée entre autres par Rob Reiner, qui l'a nommé comme ça en hommage à King déjà, parce qu'il avait déjà connu le succès avec Stand By Me à l'époque. Et la firme a globalement produit pas mal d'adaptations de King. Je crois que Dolores Claiborne, c'est d'eux aussi. Et Misery Evian. Oui. Comme souvent, le deal qu'a fait King, c'est qu'il vend les droits pour 1$ au départ, mais touche beaucoup plus si le film est vraiment lancé, si le projet est vraiment concrétisé. Et il touche aussi une part des bénéfices. Le budget du film est estimé à 68 millions de dollars, qui sont finalement partagés entre la Warner, Castle Rock et Village Roadshow. Le premier jet du scénario est écrit par William Goldman, un écrivain, scénariste et dramaturge qui en est à son troisième scénario adaptant un livre de King, après Misery et Cœur perdu en Atlantide. Et il est aussi derrière les scénarios, attention, de Les pleins pouvoirs de Eastwood, Chaplin et Magic de Richard Attenborough, Les Hommes du Président d'Alan Pakulan et Princess Bride et Marathon Man qui sont adaptés de ses propres romans. Donc c'est plutôt du très gros scénariste, oui. Quand même. Pour dire, oui, il a pas signé que des navets. Quoi. Voilà. Le scénario a été retouché par Lawrence Kasdan quand il arrive sur le projet en tant que réalisateur, et d'après ce qu'il dit en interview, il a entre autres remis tout ce que Goldman avait écarté par peur que cela soit impossible à mettre en image. On va y revenir, mais Lawrence, t'as peut-être fait une connerie sur ce coup-là. Alors que pourtant lui-même n'est pas un petit oui, gars de milieu, effectivement. Quoi. Parce que Lawrence Kasdan, donc, c'est un réalisateur, scénariste et producteur qui a, en tant que scénariste, travaillé sur L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, et sur Les Aventuriers de l'Arche Perdue aussi. Mm-hmm. Bon, depuis, il a aussi travaillé sur Le Réveil de la Force et Solo. Non, seulement en tant que producteur, il me semble, par contre, sur Solo et Le Réveil de la Force. Non, en tant que scénariste aussi. Scénariste aussi. Ouais. Et en tant que réalisateur, il a jamais connu un très grand succès. En tout cas pas public, mais un certain succès d'estime quand même. Il a fait Wyatt Earp, qui est un film plutôt sympa. Oui. Et Les Copains d'abord, qui est visiblement très bon. Un film... D'abord. Oui, je pense que c'est nommé comme ça, très clairement, en hommage à la chanson en français, hein, parce que c'est pas la traduction littérale du titre anglais. Oui, je sais. Et il a exploré pas mal de genres, même si Dreamcatcher, c'était son premier et seul film d'horreur, et film avec des gros effets spéciaux. Ce sera probablement d'ailleurs toujours le seul et dernier. Oui, ouais, il commence à être vieux, hein, maintenant. Au casting, dans le rôle de Henry, on a Thomas Jane, qui avait été poussé par sa mère à accepter le rôle d'Henry, donc je pense qu'elle avait quelque chose à lui reprocher. Hein, moi. Il avait à l'époque déjà joué dans Peur Bleue, et un an plus tard, il jouera le rôle principal dans le film Punisher. Peur Bleue... Le film de requin. D'accord. Le très sympathique film de requin. Oui. Et il a depuis joué dans Fais-leur vivre l'enfer Malone, dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Je sais pas si tu as vu. Pas du tout. Il paraît que c'est bien. Et dans The Mist de Frank Darabont, c'est lui qui joue aussi le héros. Ah, mais oui, exact. Donc c'est une carrière globalement tournée vers la série B, mais avec quelques gros rôles et films plutôt sympas dans le lot. Mmh. Jonesy, c'est le premier rôle important de Damian Lewis dans un film. Depuis, il a surtout joué dans des séries télé, malgré quelques petits longs-métrages. Donc en série télé, il a joué dans Life, Homeland, Billions, et il joue Steve McQueen dans Once Upon a Time in Hollywood. Ah tiens, c'est lui. Ouais. D'accord. Après, c'est un tout petit rôle. Hein. Et puis pour le coup, il ne ressemble pas du tout à Steve McQueen. Non mais c'est vrai. Je suis pas physionomiste, donc j'ai du mal à dire ça. On n'est pas là pour parler de Once Upon a Time in Hollywood, mais bon, Donc l'acteur qui est pris pour Bruce Lee ressemble plus à Bruce Lee que lui ne ressemble à Steve McQueen. Dans le rôle de Beaver, on a Jason Lee, qui est un acteur régulier et un ami de Kevin Smith, c'est le parrain de la fille de Kevin Smith, qu'on retrouve souvent dans des seconds rôles, donc dans les films de Smith, et il avait déjà joué dans le précédent film de Lawrence Kasdan, Mumford. Il a connu un certain succès dans le rôle principal de la série Earl entre 2005 et 2009. Alors encore une fois, les séries, je les mentionne, c'est visiblement des trucs qui ont eu du succès, mais moi je les ai pas vues, j'en regarde très peu. Et je n'ai pas vu celle-là non plus. D'accord. Mais à quoi tu me sers ? Ah ! Dans le rôle de Pete, on a Timothy Olyphant, qui se connaîtra surtout le succès après coup en jouant dans Die Hard 4 et Hitman. Et Deadwood, oh ! Et Deadwood, j'allais y venir, mais je mettais d'abord les pires. Deadwood et deux autres séries apparemment qui ont eu un certain succès, Justified et Santa Clarita Diet. Je sais pas si tu connais. Alors je n'ai pas vu la dernière, mais Justified est très très bien aussi, effectivement. Et il joue aussi James Stacy dans Once Upon a Time in Hollywood. Oui, exact. Donc est-ce que Tarantino serait secrètement fan de Dreamcatcher? Le pire, c'est que ce serait bien son style. Est-ce que Tarantino est fan de Stephen King? Ça m'étonnerait pas hein, qu'il aime dans une certaine mesure. Peut-être le 10e film de Tarantino, Dreamcatcher, un reboot. Avec Samuel Jackson dans le rôle de l'extraterrestre. Ou de Kurtz, ça pourrait lui aller mieux qu'à Freeman d'ailleurs. Dans le rôle du lieutenant Owen, donc le gentil militaire avec qui Henry va s'associer, on a Tom Sizemore, qui avait déjà une belle filmographie derrière lui, alors surtout dans des seconds rôles, mais il avait déjà joué dans Tueur Né d'Oliver Stone, Strange Days de Catherine Bigelow, Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, donc voilà, une belle carrière. Aussi dans Explosion imminente d'Albert Hyun, avec Steven Seagal, que je vous conseille très vivement. Cette star internationale. Parce que c'est un hurlé de rire. Bon, sa carrière a pas mal perdu en prestige depuis qu'il a fait de la prison pour possession de méthamphétamine. Et récemment, il y a aussi des accusations d'abus sexuels sur mineurs lors du tournage d'un film appelé Piggy Banks en 2003 qui sont ressortis. Il y avait déjà eu les accusations à l'époque. Donc bon. D'accord. Je crois qu'il y a enquête en cours autour de Tom Sizemore. Et il est temps de parler de l'acteur qui incarne le général Kurtz. Ah non, avant, il y a Deditz. Ah bah oui, Deditz. Donc dans le rôle de Deditz, il y a Donnie Wahlberg, qui est le frère de Mark Wahlberg. Il l'a visiblement aidé à lancer sa carrière, donc Marky Mark, c'est grâce à Donnie. Donc le Deditz adulte. Ouais, Deditz adulte, effectivement. Il a joué dans un certain nombre de films, dans les sauts 2, 3 et 4, il joue un des détectives. Mais c'est surtout à la télé qu'il connaît le succès, avec une série qui s'appelle Blue Bloods, qui est en cours depuis 2010, que je ne connais pas du tout. Une série policière, je l'ai pas vue, mais qui a plutôt bonne réputation. Et en tant que musicien, il fait partie du groupe New Kids on the Block. Moi, je suis pas ultra fan, mais c'est un groupe qui a un certain succès aussi. Et, alors j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça très drôle, il joue dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Wahlburgers, sur un restaurant de burgers géré par les frères Paul, Mark et Donnie Wahlberg. Oula. Ça a l'air totalement débile. Ah oui, c'est particulier. Et il y en a 6-8 saisons de ce truc. Ah oui, quand même. Mais effectivement, le grand acteur de ce film, celui qui vole la vedette, bah la seule vraie star du casting, hein, on va pas se mentir, c'est Morgan Freeman dans le rôle du colonel, alors Curtis dans le film, plus Kurtz. Et même si la carrière au cinéma de Freeman s'est lancée assez tard, il avait déjà 50 ans, il avait fait beaucoup de Broadway et de télévision avant, au moment où Dreamcatcher est sorti, il avait joué dans un bon paquet de grands films, il avait joué dans Seven, dans Impitoyable... Bon, c'est moins bien, mais dans Miss Daisy et son chauffeur, qui avait eu beaucoup de succès, c'est ce qu'il avait plus ou moins lancé d'ailleurs, et dans Le bûcher des vanités de Palma, qui est un de ceux que j'aime pas trop. On le connaît surtout pour des rôles de vétérans sages, un peu des figures paternelles, des figures calmes qui guident les gens, bah c'est pas pour rien qu'il a joué Dieu dans Bruce Tout-Puissant. C'est ce que j'allais dire. Il fait beaucoup de narration aussi dans les documentaires. Oui, parce qu'il a une voix très grave, très posée, très reposante. C'est lui notamment la marche de l'empereur, le narrateur. Oui, effectivement, dans la version anglaise. Et Dreamcatcher, c'est donc un peu un rôle inhabituel pour lui, parce que j'ai du mal à voir d'autres rôles de méchants de Morgan Freeman. C'est aussi lui qui joue le sage dans Lego le film. D'accord, voilà. Je ne savais pas. Il joue le vieux sage. Et on le retrouvera, nous, évidemment, dans Les Évadés, qui était sorti quelques années avant, et dans lequel, pareil, il joue le rôle d'un vieux tolard qui va un peu guider le personnage principal. Qui, spoiler, est un bien meilleur film que Dreamcatcher. Oh la vache, oui. En même temps, c'est pas un compliment. Le tournage s'est fait dans le froid, parfois par moins 30 degrés, mais visiblement, à part cette difficulté, il n'y a pas eu de problème particulier pendant le tournage du film. Personne qui a eu de diarrhée fulgurante ou quoi ? Non, je pense qu'il l'aurait abattu sur place, dans ce cas-là. Ou ils auraient filmé la scène pour rendre plus réaliste. Alors la photographie qui est magnifique, elle est de John Seale, qui avait travaillé sur Rain Man, Le Cercle des Poètes Disparus, Rangoon, Le Patient Anglais et Harry Potter à l'époque, et qui depuis a travaillé sur Mad Max Fury Road, donc encore une fois c'est plutôt du gros bonnet. D'ailleurs il a été plusieurs fois nommé pour l'Oscar de la meilleure photo et il l'a reçu pour Le Patient Anglais. Et la musique est de James Newton Howard, qui avait déjà travaillé avec Kasdan à 4 reprises sur Grand Canyon, Wyatt Earp, French Kiss et Mumford. C'est aussi un compositeur quand même très réputé, à l'époque il était surtout connu je pense pour ses collaborations avec Shyamalan. Et c'est... il livre une BO que je trouve très bonne, qui combine des jolis thèmes et des orchestrations assez élégantes comme il peut en faire, élégantes mais un peu discrètes. Mais à côté de ça, il remet un ensemble assez dominé par un travail plus atmosphérique et pas mal de travail sur des instruments électroniques, ce qu'il faisait peu à l'époque. Il l'a un peu renouvelé à l'occasion depuis, mais bon. Ça reste une BO un peu atypique dans sa disco. C'est pas son chef-d'œuvre, mais ça marche. L'envie du réalisateur, c'était que la BO puisse des fois se confondre un peu avec les effets sonores, ce qui se faisait pas forcément énormément à l'époque. Donc voilà, bon boulot de sa part, c'est un des bons points du film. Globalement, techniquement, le film est assez irréprochable. Ah, sur le plan technique, il est assez irréprochable, même si on va y revenir, je suis pas sûr que ce soit entièrement une qualité, en fait. Oui. Le film sort le 21 mars 2003 aux États-Unis et il réunit 33,7 millions de dollars sur le territoire américain, puis 42 millions à l'international. Ça fait 75 millions au total pour un budget qui en faisait 68. Bon, c'est vraiment pas un succès du tout. En France, il fera 503 715 entrées, d'après Allociné. Donc c'est un échec qui est lié d'une part aux critiques presse et spectateurs qui étaient négatives, à une promo difficile parce que mais va vendre ça, quoi. Enfin, comment tu vends un film? Il y a... Vous aimez les aliens, vous aimez les militaires, vous aimez le caca, vous allez aimer Dreamcatcher. Tu peux essayer de vendre ça comme une espèce de remake américain de La Soupe aux Choux. Ah, il aura peut-être fallu. Ah. Tu vois? En mettant de Funès sur l'affiche. Voilà, la scène où les hélicoptères de l'armée attaquent les extraterrestres et leur défoncent la gueule. Et ben en fond, tu mets... Moi, je pense que ça pourrait cartonner. Ce serait à tester de remplacer la BO de Newton Howard par la BO de Raymond Lefebvre. Faisons ça, en bonus. Alors, afin de tenter d'attirer les gens, la Warner a diffusé le court-métrage animé Final Flight of the Osiris, qui était censé introduire Matrix Reloaded, qui sort 2 mois plus tard. Bon, sans succès. Oui. En même temps, j'ai envie de dire qui c'est qu'on a quelque chose à foutre, Animatrix. De Matrix et Reloaded. Oui. De Matrix 2 et 3. Les critiques presse parlent d'un film bordélique, pour certains d'un désastre attachant, donc d'un nanar en somme, au mieux d'un film divertissant, mais il se fait globalement massacrer. J'ai bien trouvé quelques critiques positives en mes recherches, de la part de personnes qui l'ont revu depuis et qui l'ont réestimé, mais bon, globalement, ça reste considéré aujourd'hui comme une purge. Même si un peu étrangement, il y a pas mal de gens qui disent que le problème vient du film et que le livre était très bien, alors que bon, la plupart des défauts du film, c'était déjà présent dans le livre, je trouve. Oui, parce que le film est quand même assez fidèle. Ouais, voilà. Actuellement, il a 1,8 étoiles sur Allociné et 28% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, donc c'est dans les mêmes eaux que La Tour Sombre et Les Démons du Maïs. Alors, Kasdan semble avoir conscience au moins d'une partie du ridicule de son film. Par exemple, il dit que la séquence de la salle de bain est à la fois la plus gore et la plus drôle qu'il ait fait dans sa filmographie, on va y revenir. Mais en même temps, vu sa filmo, c'était pas très dur de faire plus gore. Ouais, c'est vrai que c'est... Et puis c'est pas une filmographie hilarante, hein, dans l'ensemble, j'ai l'impression. Enfin, j'ai vu assez peu de ses films, il y a des comédies dans le temps. Oui, mais c'est quand même globalement du drame, quand même. Ouais. Puis bon, oui. Après, ce qu'il en dit surtout aujourd'hui, c'est que c'est un film qui a nui à sa carrière. Alors, il semble pas le mésestimer, hein, il le renie pas. Mais très clairement, le beat que ça a fait qu'il a plus rien tourné pendant 9 ans. Et que depuis, il a refait un film en tant que réal, mais c'est surtout en tant que producteur et scénariste qu'il arrive à se relancer. J'ai rien trouvé sur des retours récents de King sur le film. À l'époque, il avait juste dit, quand il avait vu une version, un premier montage du film, que c'était plutôt bien, mais bon, il était encore sous Médoc, et puis il fallait bien défendre la promo en plus. Et je pense qu'il veut oublier cette expérience, vu son avis sur le livre. Je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de revoir le film. Tu penses que oui, effectivement. C'est très compréhensible. Ils utilisent toujours les mêmes ficelles. Ils prennent leur apparence typique de gris, avec les grands yeux noirs innocents et la peau de bébé toute douce. Ils projettent ce qu'ils pensent que nous voulons voir. Mais j'ai vu ce qu'ils sont en réalité, et croyez-moi, vous n'aimeriez pas que votre sœur en épouse un. Il y a une divergence d'opinion à propos du replay. Vraiment? Qui a une opinion? D'après vous? Le général Matheson. le général 3 étoiles, Matheson. 3. Quand l'avez-vous vu? Ils m'ont convoqué hier. Je vois. Et quelle est l'estimable opinion de tous ces connards éclairés qui n'ont jamais été en contact avec le monde des E.T.? Ils disent que la moisissure ne prend pas sur toutes les victimes, que certaines s'en remettent. Vraiment? Et que pensent-ils des fouines de merde, ces bestioles qui vous explosent la porte étroite? Est-ce que Matheson pense que les gens se remettent de ces petites bêtes? La théorie actuelle est que les créatures se développent que dans un petit pourcentage de la population exposée. Elle vous plaît vraiment, cette théorie? Pour moi, c'est de la connerie. Donc, si vous pensiez que quelqu'un a été exposé, et que vous teniez cette personne sous votre contrôle... Je ne la laisserai pas quitter cet endroit pour aller se balader où bon lui semble. Mon vieux, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous pissons dans les mêmes latrines. Et donc, on va pouvoir passer à notre avis à nous. Qu'est-ce que t'en penses, Christopher ? C'est très dur de parler de Dreamcatcher. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, bordélique, déjà, pour reprendre les mots que j'ai utilisés pour le livre, bordélique serait pas dans le tas. Même si... Si, en fait, ce serait dans le tas. Attends. Oh bah, carrément. Ouais. C'est encore plus bordélique, même. Attends. En fait, les trois mots utilisés pour décrire le livre sont valables ici. Ouais. Même si c'est peut-être un peu moins longuet en version film qu'en version livre. Au bout d'un moment, ça peut pas durer 5 heures, donc ça ne dure que 2h10, ce qui est quand même déjà assez énorme, surtout pour un film d'horreur science-fiction. Mais c'est moins longuet que le film. C'est tout aussi bordélique, tout aussi improbable. Ça l'est même encore plus, parce que dans le livre, comme on l'a dit, le fait que ce soit longuet, ça permet un minimum d'amener les idées un peu mieux, quoi. C'est, il te met de la vaseline, King. Dans le film, tout est introduit, mais avec une brutalité sans nom. Enfin, t'as des idées qui débarquent là et qui te sont balancées sans les explications, ultra brutalement. Enfin, il y a des trucs... Le palais mental. Ouais, le palais mental, c'est amené au détour d'une conversation. Dodid, s'ils en parlent sans qu'on sache qui c'est pendant les 20 premières minutes du film... La ligne, c'est le pouvoir de Pete. Ouais, le pouvoir de Pete, ouais. Il y a la scène au début où il cherche les clés de la dame. Mm. Mais alors que dans le roman, elle utilise la ligne et on nous la décrit, dans le film, il fait le symbole du doigt mais on nous montre pas la ligne. Donc du coup, bah, on sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Le colonel Curtis, qui est expert des extraterrestres, pareil, c'est amené ultra brutalement dans le film, il te fait tout un exposé sur les extraterrestres, tu te demandes d'où il sort ça. Et puis surtout, bah, pour moi, le bon symbole de ça, c'est la toute première scène, qui met en scène Henry, qui est psy et qui a un patient dont il lit les pensées plus ou moins involontairement, et il va être super bourrin en lui disant « Oui, c'est parce que vous vous accusez de la mort de votre mère, alors vous mangez beaucoup, mais vous allez crever si vous continuez comme ça ». Déjà, bravo la subtilité, mec. Et puis donc, le patient part en claquant la porte, et dans le film, dès que la porte est refermée, Henry, il sort un flingue et il se le plaque contre la tempe. Laisse-nous 2 minutes, ça fait 1 minute que le film a commencé, quoi. Laisse-nous nous poser. Bah oui, dans le livre, le fait qu'ils lisent dans les pensées, bah, c'est décrit. Donc tu comprends ce qui se passe. Dans le film, pas du tout. T'as même pas un petit effet de réalisation qui te fait comprendre qu'ils lisent dans les pensées. Oui. C'est genre, tu dois te démerder avec ça. Pour toi, c'est acquis, limite, quoi. En fait, c'est le même problème que beaucoup d'adaptations de romans, en fait, c'est... Il y a beaucoup de scènes où si tu n'as pas lu le roman, bah, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Bah là, c'est... Visiblement, c'est plutôt de la responsabilité du réalisateur qui a voulu tout remettre à tout prix, y compris le pistolet téléphone portable. Il y a peut-être des trucs qu'on aurait pu s'en passer, quoi. Ça marche déjà pas en livre. En film, quand tu vois Tom Sizemore, l'air super sérieux, qui se met à décrocher un flingue... Ah, mais c'est tellement... Et surtout, le personnage qui l'accompagne ne réagit pas. Ouais. Il le regarde en mode « Ouais, bah, c'est normal. » Mais c'est ça, en fait, le film est super sérieux, alors que c'est un enchaînement d'idées improbables. Tu peux conserver cette info cinématographique inestimable pour pas un... Je vais la classer dans la zone « Rien à foutre de mon entrepôt mémoire. » C'est quoi ton entrepôt mémoire? Quoi, tu te souviens pas de l'entrepôt mémoire? Bah non, j'ai oublié. Comment t'as pu oublier l'entrepôt mémoire? Rappelez-moi ce que c'est au lieu de vous foutre de ma gueule. C'est dans sa tête, Biv, mais on en a tous un. Il avait pas été question de le condamner? Pas encore, seulement il est tellement plein que je suis forcé de jeter un truc chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau. Parce que Kasdan trouve que c'est donc la scène de salle de bain, l'une des scènes les plus gore qu'il ait jamais réalisée, le film n'est pas du tout gore. Non, ça se voit assez facilement, t'as peut-être un plan à un moment sur un cadavre avec le cul explosé. Et encore, c'est quoi. Tout. Ouais, encore, c'est rapide. Hein. C'est rapide. Hein, c'est... Et vraiment, le film n'est pas du tout gore. Enfin, il n'y a pas de boyaux, il y a juste des effusions de sang, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Ouais. Quoi. Le problème du film, en fait, je disais que la photographie est magnifique et la réalisation élégante, mais en fait, ça devient un problème dans la mesure où, justement, ça filme ce que c'est en train de filmer. Je pense que s'il y avait eu un look plus série B, il y aurait des trucs qui seraient bien mieux passés, des idées improbables qu'on aurait plus acceptées, mais là, par exemple, la scène de la salle de bain et la mort de Beaver, filmé comme c'est filmé, on a l'impression qu'il est en train de filmer une grande fresque épique, bah, comme il filmait Wyatt Earp. Mais c'est un mec qui est assis sur des chiottes en empêchant un alien de sortir du trou. C'est ça. Il y a un décalage qui s'installe et je pense pas qu'il soit entièrement volontaire. Et même cette scène-là est plus réussie dans le roman, parce que t'as le descriptif, la pensée du personnage. Oui. Dans le roman, on me dit bien que dans le sang, tu sais, qui parcelle le sol de la salle de bain, t'as des espèces de petits embryons qui bougent, bien dégueulasses, et c'est pour ça que Beaver fixe bien un cure-dent en particulier qui n'a pas touché le sang et qui n'est pas en contact avec ces bestioles-là. Ah oui, l'autre scène qui est amenée super brutalement, c'est quand ils vont récupérer Dodditz à la fin. Dans le livre, la mère, elle est un peu réticente à laisser partir son fils mourant. Dans le film, c'est « Ouais, il est super content de partir avec vous, je lui ai préparé son panier repas, allez-y, débarrassez-moi, il commence à me casser les couilles de toute façon. » Et puis surtout, dans le livre, c'est installé en amont que Dodditz est mourant, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré à ça, où on voit la mère qui regarde les infos, oui. On voit qu'il se passe des trucs bizarres, et on voit que Dodditz appelle, parce qu'il sent que ça tourne cacao pour ses potes, quoi. Ouais. Et donc on nous prévient en amont qu'il est mourant, qu'il est adulte, qu'il a une leucémie, qu'il est en phase terminale, voilà. C'est pas arrivé comme ça, avec un pied de biche, à la fin du film, quoi. C'est vrai qu'il apparaît dans les 10 dernières minutes, en fait, Dodditz. On le voit que gamin, hein, dans des flashbacks, ouais. Jusque-là. Après, justement, Dodditz, pour moi, c'est un des gros problèmes du film, mais j'ai du mal à accuser entièrement Donnie Wahlberg, parce que le souci qui se pose en film, qui était déjà un peu présent en livre, mais qui là est frappant, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est l'handicap de Dodditz, en fait. Rien, on ne sait pas. C'est jamais caractérisé, et du coup, va jouer ça. Et parce que vu que... Si le mec, on lui dit juste, tu joues un handicapé mental, évidemment, il va jouer un truc très cliché et pas très bon, mais en même temps, on lui donne rien pour pouvoir bien le jouer. Parce que vu que à chaque fois qu'on le voit, c'est dans des flashbacks par les gamins, pour les gamins, il est juste attardé mental et puis c'est tout. Ouais. T'as pas plus d'explications que ça, mais ça, ouais. Du coup, c'est un manque. Il aurait fallu au moins le dire à l'acteur pour que lui puisse travailler dans la bonne direction. C'est quitte à ne pas le dire au spectateur, mais comment on sente qu'il y ait un travail, entre guillemets, de recherche sur ce qu'il est en train de jouer. Parce que là, globalement, tout ce qu'il fait, c'est s'adosser à un mur, prendre les yeux d'une vache et regarder dans le vide en parlant, quoi. Ouais, c'est ça, en bavant un peu. Et parler d'un ton monocorde, quoi, c'est bon. Apparemment du grand jeu d'acteur, quoi. Non, mais bon, il avait pas les cartes en main pour bien le faire. C'est pas avec ça que tu vas lancer ta carrière, mec. Bon, après, sa carrière se porte pas mal. Hein. Oui, mais... Il a joué dans Wild Burgers, quand même. Qui a duré 8 saisons, ouais. Qui dure toujours. Avec un spin-off. On peut parler du personnage d'Owens qui est un personnage totalement gâché dans le film. Parce que dans le livre, donc c'est le militaire qui accompagne Kurtz, dans le livre, vraiment très tôt, on voit qu'il remet en doute constamment les pensées de son supérieur hiérarchique. Que lui, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment juste ou quoi? Et tout ça, c'est pas du tout amené dans le film, si bien que dans le film, t'as Henri qui vient le voir et fait « Hey, on trahit ton pote ?» Ouais, d'accord. Ouais, globalement, le développement de personnage, il passe totalement à la trappe. Hein. Il y a trop de personnages, trop d'éléments d'intrigue pour que ça se fasse. Mais c'est vraiment encore plus flagrant avec lui, avec le personnage d'Owens. Qu'est-ce qui se passe? C'est avec Pete aussi que c'est flagrant quand il va récupérer l'alcool. Ouais. Je veux dire, ça parle pas de son alcoolisme pendant 20 minutes, et après, tout à coup, le mec, il a besoin de sa dose. Oui, alors que Beaver, dès sa première apparition, on voit son tic des cure-dents. Ouais, c'est ça. Quand il est au bar. L'autre, on voit ses envies suicidaires, même si, du coup, dans le film, après, c'est plus jamais énuméré, alors que ça l'est très souvent dans le roman. Oui. Bon, pareil, Jonesy, il a pas l'air de tellement souffrir de son accident, hein, dans le film. Non, clairement pas. L'alien se moue très bien dans son corps avec lui. Ouais, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont pas supprimé toute l'introduction des personnages et plutôt commencé sur une dizaine de minutes où on les aurait vus dans les bois ensemble, ce qui aurait permis de présenter leur caractère, à la limite en sautant le coup de l'accident qui sert à rien dans le film, enfin, ça aurait fait gagner du temps et permis plus qu'on croit à leur amitié, parce que dans le film, il y a le même problème que dans le livre, ils ont qu'une scène tous en commun. Ouais, on y croit pas du tout. Et elle est pas longue. Au niveau du jeu d'acteur, globalement, je trouve pas ça génial. Non, ils jouent tous comme des pieds, mis à part l'acteur qui joue Beaver. Ouais, voilà, c'est celui qui s'en sort le mieux. Et c'est celui qui meurt en premier, c'est con. Ouais. Après, il y en a, je dirais pas qu'ils jouent comme des pieds. Pete et Henry, ils jouent pas comme des pieds, non, c'est juste banal. Et puis très souvent, franchement, Morgan Freeman, à plein de moments, tu sens que lui-même il se demande ce qu'il fout là quoi. Ouais, c'est ça, il joue son rôle de... Enfin, il a un rôle cliché, il y va ultra à fond, il est sur un ton monocorde. Après, il fait le boulot, il a un certain charisme, mais c'est sûr que c'est loin d'être le meilleur rôle de Morgan Freeman. On peut accorder un point au film pour un magnifique symbole phallique à un moment. Tu l'as pas repéré ? Peut-être, mais Morgan Freeman rentre dans l'hélicoptère de combat qu'il va utiliser pour poursuivre Owens et Henry. Et genre, il arme la mitrailleuse au début de l'hélicoptère de combat qui se redresse comme ça. Et du coup, en fait, t'as un plan en contre-plongée où tu vois le haut du corps de Morgan Freeman et pff, ah non, j'ai pas fait gaffe à celle-là. Tiens. L'hélicoptère qui se redresse. Je reverrai en voilà. Faisant le montage. Magnifique, magnifique symbole phallique. Alors, la scène qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire aussi, c'est celle où Pete pisse dans la neige et écrit le nom de Dodis en magnifique cursive. Alors, essayez de faire ça, si vous y arrivez, bah envoyez-moi une photo, parce que je sais pas... Une vidéo pour prouver que tu l'as fait vraiment en une seule fois. Parce que tu pisses pas comme ça, normalement. Bah, il faut surtout beaucoup d'urine, parce que Dodis, c'est pas trois lettres, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, vraiment, elle est magnifique, l'écriture. Ça veut dire qu'il a calculé le sens du vent. C'est en pleine tempête, enfin. C'est ça. C'est totalement improbable. Je me demande si c'est pas volontairement comique, ce truc-là, parce que c'est pas possible. Mais il y a plein de passages qui sont volontairement comiques dans le film. Bah, j'ai un peu de mal à savoir ce qui est volontaire et ce qui relève de vraiment du décalage nanar. T'as la scène où Beaver est assis sur les chiottes pour empêcher l'alien de sortir. T'as Johnny qui s'en va chez le scotch. Et qui d'un coup revient en mode hey! Et surtout tu bouges pas, hein! Et après qui repart. Genre hey, tu bouges pas, lol! Mais du coup, ouais, je sais pas si c'est censé être comique ou non, ça en fait. Mais pourquoi faire ça, quoi? Ouais, c'est en fait, c'est ça le problème du film, c'est que j'arrive pas à savoir jusqu'à quel point c'est second degré. Bon, après, je pense qu'il faut aussi parler de la fin du film, le moment où ça s'éloigne du roman. Mais parce que bon. Alors, pour le coup, je trouve quand même la fin du film moins bordélique. Parce que dans le roman, c'est vraiment, t'as les personnages, ils sont éclatés partout. C'est une succession de petits chapitres avec chacun un personnage, ce qu'il est en train de faire. Là, c'est quand même moins éclaté dans le film. Ouais, mais c'est ultra plat. Oui, c'est plat, mais c'est plus concis. Et donc, en vrai, t'es moins embrouillé. Ouais. Parce que dans le roman, t'as ce que fait Gray, ce que fait Genesis dans la tête de Gray, ce que fait Kurt, ce que fait Owen, ce que fait Henry, ce que fait Dodit. Oh ! Et y'a calmez-vous ! Et il y a le gros changement au niveau de l'intrigue, c'est que dans le film, Dodit, c'est un extraterrestre. Alors du coup, c'est un extraterrestre qui a des troubles mentaux, comment ça se passe ? Ouais, alors c'est ce que j'allais dire, c'est quoi l'idée ? Est-ce que c'est parce qu'il a pénétré l'esprit d'un enfant ? C'est dégueulasse. Que l'enfant a développé des troubles mentaux, comment ça fonctionne ? Parce que c'est vrai que, visiblement, il a l'air de pouvoir prédire l'avenir, donc à première vue, prendre un enfant qui a des problèmes mentaux et qui va mourir d'une leucémie à 30 ans pour sauver le monde, c'est peut-être pas la meilleure option. Bah non. C'est donc, je ne comprends pas... Enfin, ce rebondissement est totalement incohérent. Surtout déjà que c'était pas bien cohérent jusqu'à présent. Surtout que dans le film, Mr. Grey le dit, il dit « j'ai pas été dans la tête de Beaver parce qu'il y avait rien dans sa tête, alors que vous, il y avait du potentiel ». Ça veut dire que, avant même de prendre possession du corps des gens, ils savent si ça vaut le coup ou pas. Ouais. Donc il n'y avait aucune logique qu'il y ait un extraterrestre des années avant qui aille dans le corps d'un enfant handicapé. Oui, et puis il le dit aussi dès le début, quand il recherche la petite fille là, dans un des flashbacks, il dit « Monsieur Gray », donc il savait déjà qu'il y avait un affrontement à venir. Donc... C'est ça. Enfin, il prévoit l'avenir, en fait, de Dodds. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans cette race extraterrestre, il y a les gentils et les méchants, il y a ceux qui empêchent les autres d'envahir des planètes. Comment ça se passe ? On ne sait pas. Ah oui, moi ça... Du coup, ce changement dans l'intrigue amène énormément de questions qui n'auront jamais aucune réponse. Bon, après, c'est tant mieux, parce que Dreamcatcher 2, j'en veux pas. Dreamcatcher The Beginning. Voilà, les origines. Non, merci, j'en veux pas. Mais c'est étrange, enfin, c'est un changement. Pourquoi ce changement ? Bah, je pense que c'était pour éviter tout le côté baston mental qui est censé être le final du livre. Et pour le coup, même Kasdan a dû se rendre compte que c'était totalement inadaptable. Donc ils ont imaginé ça histoire d'avoir un truc un peu spectaculaire, mais c'est vrai que ça amène encore plus d'incohérences. Après, à leur décharge, j'ai envie de dire, est-ce qu'on en est encore là à ce stade ? Après, c'est des incohérences, mais du coup, c'est moins bordélique à suivre à l'écran. Ouais. C'est vrai que la bataille mentale, en fin de roman, elle est imbitable. Quoi. Après, il y a la fin... totalement brutal, c'est une fois que Dodits et l'extraterrestre méchant se sont entretués, il y a les deux survivants qui se regardent, qui se sourient, et puis paf, générique de fin, hop, en bas, et c'est posé. Voilà. Et t'as Johnny qui écrase le bébé là, qui oui, essaye d'aller dans la bouche d'eau là. Ouais. Et puis voilà, c'est fini. D'accord, ok, merci. C'est ça pour ça. Après, le film en fait, pour moi, vraiment a des qualités nanardes, quoi. Il est drôle à regarder, il y a plein de trucs qui me font rire, d'éléments de réalisation qui sont en total décalage, les acteurs qui sont en roue libre, John Z quand il joue le Monsieur Grey est dans son esprit. Ah la vache, c'est... Ah la toute première séquence quand il sort de la maison juste après avoir été possédé et que tout d'un coup il se met à sourire. Il prend un espèce d'accent chelou dont on est sorti d'on ne sait où. Bah ça a l'air d'être un accent anglais mais très mal fait en fait. Ouais mais pourquoi? Bah je sais pas, bah, parce que Mr. Grey peut-être qu'il est anglais, je ne sais pas. C'est un extraterrestre, bah, l'Angleterre ça existe pas dans l'espace, je sais bien qu'ils ont colonisé la moitié du monde mais pas à ce point. Bah peut-être que l'Angleterre est une colonie extraterrestre, on ne sait pas. Et puis, en plus, la manière dont c'est réalisé, c'est exactement comme dans les deux tours avec les scènes de Gollum quand il monologue. Mm. Alors, après, les deux tours étant sortis pile un an auparavant, je pense que le tournage était déjà fait de Dreamcatcher, donc ça m'étonnerait qu'ils soient inspirés. Mais c'est... Enfin, disons que la comparaison ne joue pas en la faveur de Dreamcatcher. Non, ça ne joue pas en la faveur de Kasdan. Bah, ni de l'acteur, hein. Là, pour celui, il est vraiment pas très bon. Clairement, il y a quand même beaucoup plus de talent du côté de Jackson et de Serkis que du côté de Kasdan. Ouais, carrément, oui. L'acteur qui joue Jonesy. Hein. Après, en même temps, les dialogues de Mr. Grey sont tellement clichés que c'est pas non plus simple. Non, clairement pas. C'était quoi, Monsieur Jones, ce qu'on vient de passer là? C'est à moi que vous parlez? C'est cela, Monsieur Jones. Où est-ce? Jonesy. C'est comme ça que vos amis vous appellent, je crois. Soyons amis, vous et moi. Pourquoi me laissez-vous vivre? J'emprunte votre corps. Nous allons faire un petit voyage. Beaver n'avait jamais fait de mal à personne et vous l'avez tué. Votre ami n'avait rien dans la tête. J'ai déjà trouvé quelque chose d'utile dans la vôtre. Je vous emmerde. Oh, je connais cette expression. J'ai étudié le rayon grossièreté de votre entrepôt mémoire. J'ai d'ailleurs trouvé cela plutôt dégoûtant. Et ça te plaît, Monsieur Gris? Va te faire enculer. Pourquoi m'appelez-vous Monsieur Gris? Attention à Monsieur Gris. Quelqu'un vous a parlé de moi? Je veux savoir qui vous a parlé de moi. Ben, si tu veux le savoir, t'as qu'à lire dans mes pensées. Quoi que cela m'étonne, vous arrivez à me cacher des choses. Comment, je ne le sais pas, mais je suis sûr que je le comprendrai bientôt. Est-ce que tu veux peut-être évoquer la fin alternative? Parce qu'on l'avait fait, pour la chambre 408. Oui, effectivement, donc il existe une fin alternative au film, donc c'est exactement la même chose jusqu'à ce que Dodith se débarque, donc... En gros, ça se finit dans une citerne d'eau et Monsieur Gris va lancer des spores dans les réserves d'eau pour contaminer le monde entier. Et dans la fin alternative, Dodith arrive, balance un petit rayon lumineux, celui qui normalement sert de GPS, donc visiblement c'est multifonction, voilà. Sur l'extraterrestre qui meurt et c'est fini. Voilà. One shot. Alors c'est encore plus concis, encore plus... Encore coup, plus clair, zappe. D'une certaine façon, ça zappe le côté E.T. voilà. de Ditz, au moins ça laisse un peu planer le doute, c'est déjà ça. Mais par contre, dans le genre des vents, enfin, on t'a présenté une menace pendant 2 heures, mais visiblement, Pete pouvait la régler depuis le début, vu qu'il a aussi ce pouvoir-là. Bah oui. Et puis après ça, on voit du coup les deux personnages survivants, donc Jonesy et Henry, qui vont au cimetière se rendre sur la tombe de Ditz, et du coup ça nous prouve bien que Pete et Beaver, ils s'en battent les couilles. Ouais, et qu'ils chantent une chanson comme ils ont chanté la première fois qu'ils l'ont vu. La chanson du coup qui est chantée par Beaver. Pas dans l'enterrement, pas au moment où il l'enterre vu que Beaver est mort. Mais... Oui, mais non, mais qui est chanté par Beaver dans le film et dans le roman. Oui, c'est ça. Pour rassurer Dodith après son agression par les bullies. Les scènes de flashback fonctionnent pas trop mal, hein. Elles sont trop courtes, mais je trouve qu'elles fonctionnent pas trop mal dans le film. Dans le film, oui. Bah, elles font beaucoup penser, et c'était pareil, enfin c'est dans le même esprit, elles font beaucoup penser aux scènes de flashback enfant de ça, quoi. Oui, ou à... toute la partie enfant de ça. Ou à Stand By Me, d'ailleurs. Oui, ou pareil, oui. Il y a quelques scènes qui fonctionnent, moi, pour moi la meilleure c'est quand il y a justement la fuite des animaux. Là pour le coup ça prend un peu le temps de se poser et pour une fois ça parle pas de caca, d'extraterrestres et de trucs comme ça, donc la réalisation colle avec ce qui est filmé, donc elle est plutôt jolie cette scène je trouve. Ouais. Globalement c'est quand même du gros bon ratage. Ouais mais du gros bon nanar aussi. Hein. Franchement j'ai pris plus de plaisir à voir ça qu'à voir certains autres films dont on a parlé. Hein. Je suis moins d'accord avec toi pour le côté nanar. Pour moi, c'est pas le meilleur du monde mais... Je classerais plus quand même dans la catégorie mauvais film mais moi c'est mon ressenti. Hein. Mm. Voilà je pense que c'est à peu près tout sur le film. On va pouvoir passer à l'extrait culte entre guillemets. C'est parti. L'ours qui pète et qui rote. Jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré route en train. Jamais deux fois le même refrain. Alors avant de lire l'extrait culte et de vous indiquer lequel on a choisi, on peut déjà expliquer qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un extrait culte, tant le roman et le film n'en contiennent pas. C'est un petit peu le souci qu'on a eu. Bah, il y a beaucoup de scènes très improbables, on va dire, mais culte, c'est vrai que c'est difficile à dire. Bah, il y a une scène qui est très bien dans le roman, c'est la scène où Henri trouve le fouille merde qui a buté Beaver sur le lit juste après qu'il ait pondu les œufs, donc oui. Qui va conduire à l'incendie de la maison. Sauf que le problème, c'est que c'est une scène dans le roman qui est entièrement descriptif et que bah, du coup, elle est totalement muette dans le film. Oui, mais elle marche pas trop mal pour le coup. En plus, la maison envahie par l'espèce de truc rouge est par plutôt jolie. Ouais. Par l'espèce de moisissure extraterrestre. Mm. Les deux scènes sont bien, mais du coup, vu que c'est totalement silencieux, bah, ça aurait très peu d'intérêt pour vous qu'on vous la mette dans le podcast. Après, moi, j'aurais voté pour qu'on vous remette une minute de paix, hein, mais bon. Ah bah si tu veux, on fait ça. Je lis des descriptions de prout. Vas-y, je le mettrai juste en extrait cadeau. En extrait cadeau. Avec en fond la musique. De la soupe aux choux, oui, d'accord. Bien sûr. On fait comme ça. Donc, au final, on a choisi de la magnifique séquence où Jonesy et le Biv rentrent dans les toilettes après les supplications de McCarthy. Une séquence magnifique, ouais. Pleine de sang, de caca et de rire. Ah, je crois qu'on survend un peu le truc là. Donc la scène se déroule juste après qu'ils aient défoncé la porte, qu'ils soient rentrés dans les toilettes. Je vous lis du coup l'édition de Dreamcatcher éditée par Le Livre de Poche, traduite directement de l'anglais par William Olivier Desmond. Nous sommes à la page 221, au chapitre intitulé Jonesy et le Biv. Beaver le dit et le redit. Il ne s'agissait plus d'un beaverisme cette fois, seulement d'un juron banal. Le premier juron qui nous vient à l'esprit quand on se retrouve cloué au mur et sans aucun moyen d'exprimer l'horreur dont on est témoin. Ah putain ! Putain ! En dépit de ses souffrances, McCarthy avait pris la peine d'appuyer sur les deux interrupteurs qui se trouvaient dans la salle de bain. Si bien que le plafonnier et les deux néons qui encadraient l'armoire pharmacie étaient allumés. Si bien aussi qu'il régnait dans la pièce un éclat brutal et cru qui donnait l'impression d'une photo de scène de crime. Avec cependant, en filigrane, une touche de surréalisme, car l'intensité lumineuse variait légèrement, juste assez pour qu'on comprenne que le courant était produit par une génératrice et non par la Derrien Bangor hydroélectrique. Le carrelage du sol était bleu ciel, il n'y avait que des taches et des éclaboussures de sang près de la porte. Mais ces taches et ces éclaboussures devenaient de plus en plus denses, jusqu'à fusionner en un serpent écarlate qui se tordait jusqu'aux toilettes, à côté de la baignoire. Des arborescences capillaires s'en éloignaient, tout aussi rouges. Leurs bottes, que ni Beaver ni Jonesy n'avaient enlevées, laissaient des motifs de semelles imprimés sur les carreaux. Sur le rideau de douche en vinyle bleu, on voyait quatre empreintes digitales brouillées, et Jonesy pensa. Il a dû tendre le bras pour s'accrocher à quelque chose quand il a voulu s'asseoir, sans doute pour ne pas tomber. Oui, mais ce n'était pas la partie horrible de l'histoire. La partie horrible était ce que Jonesy vit dans sa tête. McCarthy se traînait en quatre pattes sur le carrelage bleu, une main grippée à son derrière pour essayer de retenir ce qui voulait en sortir. « Ah putain !» répéta Beaver en zoglotant presque. « J'ai pas envie de voir ça, Jonesy, bordel. J'ai pas envie du tout !»« Faut bien !» Jonesy s'entendit parler comme s'il était très loin. « On peut y arriver, Biv. Si on a pu faire face à Richie Granado et à ses copains, à l'époque, on peut faire face à ça aujourd'hui. »« Je sais pas, vieux. Je sais pas. » Jonesy non plus ne savait pas. Pas vraiment, en tout cas. Mais il eut l'idée de prendre son ami par la main. Les doigts de Beaver se refermèrent sur les siens. Raides de panique et, ensemble, ils avancèrent d'un pas dans la salle de bain. Jonesy essayant d'éviter le sang, mais c'était difficile, il y en avait partout. Et pas que du sang. Jonesy, fit Beaver, murmurant presque, est-ce que tu vois cette saloperie sur le rideau de douche? Ouais. En train de pousser et croître dans les traces de sang laissées par les doigts de McCarthy, on distinguait de petits amas d'une moisissure dorée tirant sur le rouge et rappelant le mildiou. On en distinguait également sur le sol, pas dans les serpents de sang, mais dans les interstices entre les carreaux. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, répondit Jonesy. Sans doute la même saloperie que le truc qu'il a sur la figure. Tais-toi une minute. McCarthy ? Rick ? McCarthy, assis sur les toilettes, ne répondit pas. Pour quelques raisons mystérieuses, il avait remis le couvre-chef orange sur sa tête. La visière dépassait légèrement de travers. Sinon, il était entièrement nu. Son menton reposait sur sa poitrine, dans une attitude parodiant un personnage profondément plongé dans ses réflexions. Mais ce n'était peut-être pas une parodie, comment savoir ? Ses yeux étaient mi-clos et il se tenait les mains chastement croisées au-dessus du sexe. Des couleurs de sang paraissant avoir été faites à grands coups de pinceau maladroits maculaient la porcelaine. Il n'y avait cependant pas de sang, ce McCarthy lui-même. Ou du moins, Jonesy n'en voyait pas pour le moment. Il y avait par contre une chose qu'il voyait. La peau du ventre de McCarthy qui pendait en deux poches flasques superposées. Leur aspect lui rappela le ventre de Carla juste après ses accouchements. Jonesy et elle avaient eu quatre enfants. À hauteur de la taille de McCarthy, qu'entourait une poignée d'amour peu prononcée, la peau était simplement un peu affaissée de rouge. En revanche, elle présentait de multiples et minuscules vergetures sur le ventre. Si McCarthy avait été enceinte de quelque chose, ce devait être d'un parasite, du genre ver solitaire géant ou ankylostome, un truc comme ça. Sauf qu'il y avait une cochonnerie qui se développait sur son sang. Et qu'avait-il déclaré tandis qu'il gisait dans le lit de John C, les couvertures tirées jusqu'au cou ? Regarde, je suis à ta porte et frappe. Voilà un coup frappé à sa porte auquel John C regrettait amèrement d'avoir répondu. Il regretterait même de ne pas avoir abattu l'homme. Oui, il voyait les choses plus clairement à présent. Il était dans cet état de lucidité extrême que connaît parfois un esprit soumis à une horreur absolue. Et c'est dans cet état qu'il s'en voulait de ne pas avoir logé une balle dans la tête de McCarthy avant d'avoir vu la casquette et le gilet orange de rabatteur. Ça aurait été terrible, mais peut-être pas aussi affreux. « C'est ça, t'es à ma porte et tu frappes mon cul !» marmonna Jonesy. « Jonesy, tu crois qu'il est encore vivant ?»« Je sais pas. » Jonesy fit un pas de plus et sentit les doigts de Beaver se détacher des siens. Manifestement, le Beav ne pouvait se rapprocher davantage de McCarthy. « Rick ?» fit Jonesy d'un ton contenu. « Le ton « faut pas rêver bébé », le ton « dernier regard au cadavre avant la fermeture du cercueil ?»« Rick, est-ce que vous... » Un paix bruyant et humide retentit d'en dessous de l'homme assis sur les toilettes. Et la pièce se remplit sur le champ d'effluves d'excréments et de colle à maquette mêlée qui vous mettait les larmes aux yeux. Jonesy n'en revint pas que le rideau de douche ne se mette pas à fondre. Un gros plouf suivit. Pas le bruit que fait une merde en tombant dans la cuvette des toilettes. Telle fut du moins l'impression de Jonesy. On aurait plutôt dit un poisson sautant dans une mare. Seigneur doux puissant, qu'est-ce que c'est un schlingue ? S'écria Beaver. Il avait parlé en se bouchant le nez et sa main assourdissait ses paroles. « Même s'il peut péter, il doit être vivant, tu crois pas, Jonesy ? Il doit encore... »« Tais-toi !» dit Jonesy d'un ton calme. Il était lui-même étonné qu'elle soit aussi posée. « Ne dis rien, d'accord ?» Et le Beav se tut. Jonesy se pencha vers l'homme. Il distinguait les moindres détails, la minuscule tache de sang dans le sourcil droit de McCarthy, l'excroissance flamboyante à sa joue, le sang sur le rideau bleu, le panneau humoristique salle d'attente des constipés, qui datait de l'époque où il n'y avait que des toilettes chimiques et où il fallait pomper l'eau jusque dans la citerne avant de prendre une douche. Il vit la petite perle de gelée dans le coin des yeux de McCarthy, les gerçures de ses lèvres qui avaient pris un aspect violacé de foie de veau dans la lumière crue. Il sentait la puanteur du vent qui venait d'être lâché, et c'est tout juste s'il ne le voyait pas monter en volute jaunâtre comme du gaz moutarde. « McCarthy ? Rick ? Vous m'entendez ? Rick ?» et claqua des doigts devant ses yeux presque fermés. Rien. Il donna un coup de langue au dos de sa main et la présenta sous les narines de McCarthy, puis devant sa bouche. Rien. « Il est mort, Beav ? » dit-il en reculant. « Des conneries, oui !» répliqua Beaver. Il avait parlé d'une voix chevrotante et avec un ton absurde d'indignation, comme si McCarthy venait de transgresser les lois de l'hospitalité. « Il vient juste de couler un bronze, vieux. Je l'ai entendu. Je ne crois pas que c'était... » Beaver bouscula Jonesy en voulant passer devant lui, et ce dernier heurta le lavabo durement avec sa mauvaise hanche. « Ça suffit maintenant, mec !» s'écria Beaver. Il saisit l'homme par son épaule peu musclée et couverte de taches de rousseur et le secoua. « Réveille-toi, bon Dieu, réveille-toi !» McCarthy glissa lentement en direction de la baignoire et Jonesy, un instant, se dit que Beaver avait raison, que le type était vivant et essayait de se lever. Sur quoi McCarthy dégringola du trône et s'affala dans la baignoire, poussant le rideau devant lui comme une vague unidimensionnelle bleue. Sa casquette orange tomba. Il eut un craquement d'os lorsque son crâne heurta la fonte. C'est à cet instant précis que Jonesy et Beaver s'agrippèrent l'un à l'autre et se mirent à hurler à l'unisson. Leur horreur se traduisait par un vacarme assourdissant dans la petite pièce. Le cul de McCarthy formait une pleine lune de travers trouée en son centre d'un cratère géant et sanglant. Le site, aurait-on dit, d'un impact terrible. Jonesy ne le vit que pendant une seconde, le temps que le cadavre finisse de basculer dans la douche et que le rideau se remette en place et le cache. Mais pendant cette seconde, Jonesy eut l'impression que le trou faisait 30 cm de diamètre. Une chose pareille était-elle possible ? Un trou de 30 cm ? Sûrement pas ! Bon voilà, vous êtes toujours au Vidéoclub de Castle Rock, hein, vous n'avez pas switché dans un podcast sur le porno, et nous allons maintenant passer à cet extrait dans le film. Et un, et deux, trois. Oh putain, oh merde. Putain, je peux pas voir ça, Jonesy. Je peux pas voir ça. La ferme. Monsieur McCarthy, Rick, il est encore vivant ? J'en sais rien. Rick, est-ce que vous... Oh putain, Jonesy, s'il peut encore faire ça, il est forcément vivant. Merde, faut pas déconner. Rick, vous m'entendez ? Je crois qu'il est mort. Arrête tes conneries, il vient de déposer une pêche, je l'ai entendu, là. Non, je crois pas que c'était une pêche. Ça va, y'en a marre, mon gars. Réveille-toi. Ah, putain ! Ah ! Bien joué, Beaver. Quoi que ce soit, c'est pris au piège. Pas d'autre issue que la fosse septique. Voilà, donc... Chris, que penses-tu de cette scène dans le livre, de son adaptation, de la vie ? C'était bien. J'ai beaucoup aimé lire ce passage. Ça se sentait. Je me sens pur et intact. Avec moi-même, avec mon esprit. Je me sens bien dans mon corps. Et putain que c'était horrible. Mais je me demande limite si c'est pas moi qui ai des a priori, tu sais, si ça se trouve c'est nous qui sommes une génération trop marquée par l'humour pipi caca, mais j'arrive pas à prendre au sérieux et à avoir peur dans une scène qui décrit l'éclatement de l'anus d'un mec après trois pages de description de CP. Et surtout l'indication d'un étron qui tomberait dans les chiottes. Oui. Mais qui ne ressemblerait pas à un étron, plus à un poisson qui saute dans une mare. Oui, déjà, genre, ça fait toujours le même bruit, un étron qui... Enfin, je sais pas. C'est déjà ça, c'est improbable. Écoute, j'ai jamais pris un micro pour enregistrer quand mes étrons tombent dans les toilettes. Non, mais voilà, c'est totalement improbable. C'est... Alors, maintenant, pour en revenir vraiment à la scène en elle-même, eh ben, elle est ridicule que ça soit dans le film ou dans le livre. Je pense qu'on est tous les deux d'accord avec ça. Oui. Elle l'est peut-être encore plus dans le film, parce que du coup, dans le film, il n'y a aucun effet gore, il n'y a rien du tout. C'est très rapide. Mais justement, le fait que ce soit très rapide, c'est peut-être une qualité. Bah, ça permet à ça de passer rapidement, tandis que c'est vrai que dans le livre, ça traîne, alors que ça marche pas du tout. Enfin, pour moi, ça marche pas du tout, en tout cas. Pour moi non plus. C'est long, c'est absurde, c'est pénible à lire. Oui, parce que c'est vrai que à force, surtout que là, on en a déjà eu un paquet de descriptions de P1 auparavant. Mmh. Donc à force, on a envie de passer un peu à autre chose. Mais la scène du film est fidèle à celle du roman. Ah oui, pour le coup, oui, complètement, oui. Pour le coup, elle est fidèle. Est-ce que ça en fait une bonne scène pour autant? Non. Alors, je sais plus si tu vois le cul de McCarthy ou si tu vois seulement celui de la femme sur la route avec Pete plus tard. Dans le film? Dans le film, ouais. Il y a un des deux culs que tu vois. Ah non, dans le film, on voit les deux, hein. Ils sont généreux. D'accord, on voit les deux. On voit les deux. Mais très rapidement, hein. Oui. Je pense que c'était le plus qu'ils pouvaient s'autoriser pour s'en passer à une interdiction supérieure. On voit les deux très rapidement pour McCarthy. Pour celui de la femme, en fait, on l'a habillé, donc on voit juste de dos et on voit une explosion. Ouais, c'est ça. Au niveau du cucu. Mmh. C'est tout. Voilà. Mais ouais, c'est. King a réussi pourtant au cours de sa carrière à rendre beaucoup de trucs improbables, crédibles, mais là c'était peut-être le truc de trop qu'il fallait pas tenter en fait. Bah, quand tu as réussi à rendre probable une voiture qui tue des gens, tu te dis que ouais, t'as quand même du talent. Bon, bah là ça marche pas, en l'occurrence. Mais je comprends la thématique qu'il veut traiter parce qu'en soi elle est pas inintéressante, elle est à la limite. Il y a presque un côté un peu Cronenberg, je trouve, dans l'idée de voir ce rapport au corps et à la maladie de quelque chose qui te sort du corps, qui est particulièrement dégueulasse, particulièrement glauque et qui te tue. Et ouais, je serais presque curieux de voir ce que pourrait faire Cronenberg avec une scène comme ça, mais bon. Ouais, mais bon. Cronenberg a fait une scène avec DP hein, dans sa carrière dans Maps to the Stars. Bah, que je n'ai pas vu. Qui est très bien. D'accord. Bien, c'est récent. C'est son dernier en date. Ouais. Oui, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Enfin, ça commence à avoir quelques années maintenant. Ouais, en fait, le choix du réalisateur est étrange. Apparemment, il était fan de King. Et peut-être que la Warner s'est dit qu'en prenant ce réalisateur-là, ils allaient peut-être un peu sauver les meubles et donner un minimum d'élégance à ce bordel qu'ils avaient peut-être acheté sans l'avoir lu, hein, probablement. Bah, ils l'ont acheté sans l'avoir lu, vu que les droits du roman étaient vendus avant la publication. Ouais, après, le livre était déjà écrit. Je pense que dans ce cas-là, les compagnies de ciné ont une sorte de preview possible. Ou alors ils ont des grandes lignes. Ouais, peut-être. Et du coup, l'éditeur leur a pas dit que c'était des trucs qui sortaient du cul des gens. Peut-être. Mais ouais, peut-être qu'avec un autre réalisateur qui aurait plus de recul, on aurait pu obtenir quelque chose de réellement complètement fun et donc qui aurait marché. Michael Bay, tu veux dire? Peut-être pas Michael Bay, parce que les explosions d'anus de Michael Bay, je veux pas voir ça, en fait. Je veux juste pas voir ça. Oh merde. Il y a des limites à ma tolérance. Et l'explosion de cul de Michael Bay. En fait, ça montre plus ou moins l'échec de Stephen King, vu que c'est un peu le truc qu'il mettait le plus en avant dans la promo du livre, c'est-à-dire cette volonté d'écrire quelque chose d'horrifique autour de la salle de bain. Si la scène qui est censée être la plus horrifique dans ce style-là ne marche pas, c'est qu'il y a clairement un échec. Hein. Et en plus, c'est la seule et unique scène de salle de bain, du coup. Ouais. Parce qu'après, tous les autres trucs horrifiques, mis à part quand c'est l'autre nana qui a provoqué l'accident, bah ça sort pas par le cul. Parce que dans le roman, la bestiole ne sort pas du cul du chien. Dans le film, oui. Ouais. Pas dans le roman, parce que dans le roman, t'as Mr. Grey, elle essaie de le faire rentrer de force. D'ailleurs, dans le film, à la fin, on ne sait pas par où sort Monsieur Grey quand il sort de Jonesy. C'est très étrange, ça. Ouais. Parce qu'il est vraiment énorme, et là, c'est pas un trou de 30 cm que ça lui aurait fait. Bah, c'est il aurait été juste un trou de balle, en fait, Jonesy. Il aurait explosé là. Explose l'enveloppe dans laquelle t'es. Ah oui, ça c'est du oiseau de compétition. Hein. Déjà, normalement, la scène d'avant, quand il bouffe Pete sur la moto, vu qu'il reprend sa forme, il aurait dû exploser l'enveloppe qu'il habite, donc il aurait dû exploser Jonesy à ce moment-là. Ouais, ouais, on sait pas du tout comment ça marche dans le film, ça. C'est très bizarre. Bon, après, on va se dire que c'est un peu comme Hulk, je sais pas. Mais il aurait pu avoir une bonne idée si on avait développé un côté genre... genre c'est l'extraterrestre qui joue sur la vision des gens, et en fait il est toujours à côté mais personne ne le voit parce qu'il joue sur la vision, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Mais ça aurait amené encore une autre idée, et ça aurait rendu le truc encore plus bordélique. En fait, pour Dreamcatcher, on aurait soit dû rester en huis clos complètement dans la cabane, et là peut-être qu'au bout d'un moment, le côté ridicule de la scène des toilettes aurait fini par devenir flippant à force pas d'insistance, mais à force de groupe resserré. On aurait eu un Evil Dead, sauf qu'au lieu que ça se passe dans une cave, ça se passe dans les chiottes. Ouais, c'est ça, ça aurait pu être rigolo. Ou alors, il aurait fallu assumer complètement le côté série B, mais garder cette idée des aliens qui sortent du cul jusqu'au bout. Enfin, dans mon esprit malade, j'imagine assez bien dans le camp de prisonniers militaires, tous les mecs, des espèces d'explosions anales un peu partout dans le camp, qui créent une sorte de feu d'artifice ultra gore chez les prisonniers. Feu d'artifice du cul. Ça donne un peu envie de voir cette scène. Feu d'artifice du cul. Avec la chevauchée des Valkyries en musique de fond. Ou du Beethoven. Ce podcast est sponsorisé par Botte du cul. Non mais voilà, c'est vrai que l'idée est ridicule de base, du coup, je pense que le lecteur a forcément une sorte de réflexe de la prendre par le rire quand il la voit, et le seul moyen pour qu'on puisse y croire, ça aurait été d'insister dessus, paradoxalement, et pas de se lancer dans plein d'autres idées tout aussi improbables. Donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on a fait le tour de Dreamcatcher, hein. Je pense qu'on... Oui. Il est arrivé le temps d'arriver des champs. Juste avant le classement, si vous voulez vraiment un résumé très détaillé de Dreamcatcher et qui est aussi très très drôle, il y a 2 heures de perdu qui a fait un podcast qui y est consacré et il est vraiment très cool. D'accord. Bon, c'est un vieux, hein, t'as déjà dû l'entendre. Oui, j'ai déjà entendu. Il y a le Nostalgia Critique actuellement qui a aussi fait une vidéo il y a très longtemps sur Dreamcatcher. D'accord, celle-là je ne l'ai pas vue, mais je retiens. C'est parti pour le classement. Nous abordons donc le 10e ouvrage de ce classement. Merci Issam encore une fois d'avoir tiré le 10e numéro de ce podcast. Mais bon, là, ça va. Alors, en première position, nous avons Cimetière, suivi de La Tour Sombre, Salem, Carrie, 1408, Le Fléau, Bon Ménage, Les Enfants du Maïs et en bon dernier, Le Dentier Claqueur. Donc c'est pour les livres, hein, ça. C'est pour les livres, c'est le classement des livres. Ouais. Alors, où mettre Dreamcatcher ? Personnellement, j'ai quand même pris plus de plaisir à lire Dreamcatcher que Le Dentier Claqueur. Voire même que Les Enfants du Maïs. Que Bon Ménage aussi. Est-ce que j'ai pris plus de plaisir à lire Le Fléau ou Dreamcatcher ? Eh ben, je dois dire que oui, j'ai quand même pris plus de plaisir à lire Dreamcatcher que Le Fléau. C'est là, je suis dans une position un peu compliquée, parce que ouais, j'ai pris du plaisir à le lire, comme je l'ai dit. Mais objectivement, comparé même au Dentier Claqueur, c'est quand même très objectivement moins bon, quoi. C'est, ouais, mais on n'est pas là c'est pour être faillible. Oui, oui, c'est vraiment une classe pour ses qualités nanardes. Ah la vache, c'est ça qui est compliqué. Où classer Dreamcatcher, ce qui est le plaisir coupable, tu vois. Moi, je propose... Peut-être pas au-dessus du Fléau, non, quand même. Non, je propose en dessous du Fléau. Ouais. Parce qu'il y a quand même des bonnes scènes dans Le Fléau et ce serait vraiment, vraiment de mauvaise foi de renier ça pour placer Dreamcatcher, quoi. Après, dans le fond, Bon Ménage est pas si mauvais que ça. Hein. Ah oui, oui. Mais je sais pas. Non. C'est juste que je m'ennuie un peu en lisant Bon Ménage, donc... En 7e position, entre Le Fléau et Bon Ménage. Ouais, alors en pression quand même, si c'est votre premier King, commencez surtout pas par Dreamcatcher. Non, vous n'allez rien piquer. Parce que, bon, voilà... Ça vous arrêterez définitivement King après. Et donc, Dreamcatcher prend donc la 7e position, Bon Ménage la 8e à présent. Et voilà. Du coup, on va passer maintenant au classement des films. Ouais. À toi, Issam, de prendre la main. Pour les films, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom, Cimetière de Marie Lambert, Quicksilver Highway de Mick Garris, Couple modèle de Peter Askin, Salem de Michael Salomon, La Tour sombre de Nicolas Jarcel, Les démons du maïs de Donald Pebercher et Le Fléau de Mick Garris. Alors du coup, Dreamcatcher, ben, encore une fois, ça dépend de quelle logique on applique. Ouais, mais quoi qu'il en soit, ça va au-dessus du fléau. Ah, quoi qu'il en soit, même que les démons du maïs. Ah, oui, ça, oui. C'est évident qu'il prend pas une des deux dernières places. Moi, je dirais après, même, personnellement, ça va au-dessus de la Tour Sombre. Moi, ça va même... Ouais, au-dessus de la Tour Sombre, au-dessus de Salem, c'est compliqué quand même, parce que ouais, Salem, voilà. J'ai quand même pris... Enfin, il y a quand même des trucs qui marchent dans le film. Ouais. Donc, au-dessus de la Tour Sombre, ça me paraît pas trop mal. Parce que pour le coup, les seules qualités que ça partage avec la Tour Sombre, c'est la jolie réalisation. Ouais. Parce que tout le reste est raté dans la Tour Sombre. La Tour Sombre, c'est même pas un film fun. Oui, c'est ça. Alors que Dreamcatcher, au moins, c'est fun. La différence, c'est que la Tour Sombre, par contre, est bien jouée. Ouais. Ce que Dreamcatcher n'est pas. Mais tu vois, je préférerais revoir Dreamcatcher que revoir la Tour Sombre. Bah, on s'amuse plus. Hein. Dreamcatcher, dans une soirée entre potes, il y a moyen que ce soit vraiment un très bon moment. Voilà. Alors que, pour le coup, Salem, on commence à approcher du film sympa sans plus. Ouais. Chose que n'atteint pas Dreamcatcher. Pas trop net. Ah oui, non mais carrément, oui. Donc est-ce qu'on est d'accord pour classer du coup Dreamcatcher, du coup nouvelle 7ème position? Ouais, c'est ça, comme dans les livres. Mais il a la même place que les livres, tiens, pour le moment. Ouais, c'est côté un peu nanar qui nous plaît, je pense. C'est ça, c'est le côté série B. Ouais. C'est ce qu'on disait pour Quicksilver. Ah ouais, on est très client des séries B. Hein. Ouais, mais le truc c'est que c'est une série B involontaire, je pense, le film, c'est ça qui est assez paradoxal. Oui. C'est... Contrairement à Quicksilver Highway qui s'assume totalement comme étant un peu absurde, là Dreamcatcher c'est plus ambigu. Mm. Je pense que je ris plus aux dépens du film qu'avec le film, hein, quand même. Oui, clairement, oui. Très bien, nous en avons fini avec Dreamcatcher. Donc si vous avez tenu jusque-là, rassurez-vous, c'est clairement le livre le plus improbable de King. Hein. On ne retournera jamais dans des zones aussi étranges ni aussi scatophiles. Oui, mais improbable, mais ne veut pas dire nul. Pas toujours. Attention. Et nous allons passer au tirage au sort pour nos deux prochains épisodes. Oh, faites que ça soit mieux, faites que ça soit mieux. S'il te plaît, aie une meilleure main. Je me permets de commencer. Aie une meilleure main que la dernière fois. Dreamcatcher 2. Ça n'existe pas, heureusement. Ah. Tiens. J'ai pioché La Tempête du siècle de Craig R. Baxley. Ah, bah, décidément, tu as une main chanceuse. Ouais, toujours. Alors, je crois qu'il a aussi fait pas mal de King télévisuel, mais que des scénarios originaux, lui. D'accord. Donc on le retrouvera, je crois que Rose Red, c'est de lui aussi, entre autres. Kingdom Hospital Je suis pas sûr, Kingdom Hospital, il faudra vérifier. D'accord. Et quant à moi, j'ai le bout de papier dans la main. Est-ce que vous voulez que je vous dise de quoi il s'agit? Voilà. Il faut bien, hein. Je tends le chapeau à Issam. J'ouvre le bout de papier. Oui. Oui. J'ai tiré La Part des Ténèbres de Georges Romero. On tournait autour de Romero depuis un moment, on va enfin en parler. Ah, enfin du Georges Romero, ça me fait tellement plaisir. Donc, vous voyez, pour les deux étapes suivantes, deux œuvres plutôt connues. Enfin, pour tout, La Tempête du siècle a une certaine réputation. C'est vrai qu'on s'éloigne des trucs obscurs. Il en reste plein dans le chapeau, pourtant. Alors, et puis, pour le coup, ça fait qu'une potentielle lecture, et vu que j'ai très envie de me relire La Part des Ténèbres... Oui, bah, ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Ça, je vais me faire un plaisir de le relire. Eh bien, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons donc pour La Tempête du siècle dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tout début d'année 2020. De bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine. N'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut. Quelqu'un veut un croque? Non, cette soupe est parfaite pour moi, merci. Oh, je crie très bien un morceau. Au revoir. Ma mère me faisait toujours de la soupe au pois quand je me sentais... Nom de Dieu, de porter la cul, j'en ai entendu des puissants, question. Mais celui-là, il bat tous les records, mon pote. Oh, je me sens tellement gêné. Rick a mangé des trucs dans les bois. Oh non. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Je vous demande pardon. Oh, Rick, mon pote, vous en faites pas pour ça. Il y a plus de place dehors que dedans, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez mangé? Des crottes de marmotte? Oh. Si vous voulez mon avis, je crois que vous devriez aller vous allonger et dormir un peu. Je crois que vous avez raison. Je suis fatigué, c'est tout. Allez, venez. Mon bonnet. Bon, ça c'est au cas où vous devriez... Vous savez, Burke, si les toilettes sont trop loin pour vous, toilettes qui sont à la troisième porte sur votre gauche. Si vous prenez la première, vous chierez dans le placard à linge. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez, on est là. Je ferai d'une fourlefion, j'ai besoin d'air. Tu crois qu'on a des masques à gaz? On appelle la lutte anti-pollution.